Chapitre 5 De Nul Négos par Raoul Bigot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Parmi les fous, le laboratoire mystérieux. Dégagé de toute préoccupation pécuniaire, Nul Négos se remit allègrement au travail et, encouragé par les premiers résultats, continua passionnément ses recherches. D'abord, la lecture à distance, c'est-à-dire à l'insu de l'examiné, ensuite l'enregistrement matériel et précis des phénomènes physiologiques permettant un examen ultérieur sur des documents immuables. Mais il marcha, hélas, de déception en déception. Il ne put obtenir rien de positif sur le fond du problème qui le préoccupait, n'arrivant à des observations intéressantes que sur des incidentes, sur des à côté, laissant dans l'ombre les vraies solutions convoitées. Pendant 2 années, il y consacra en vain toutes ses facultés. Il ne put avancer d'un pas. Sans se décourager, car les natures comme la sienne ignorent le découragement, il décida, après mûre réflexion, d'abandonner momentanément la recherche poursuivie. Il avait maintes fois remarqué que lorsque la pensée, après s'être fixée sur un certain sujet sans l'épuiser, l'abandonne, le cerveau, lui, continue à travailler. Il apparaît que la pensée, ayant jeté des germes, ceux-ci croissent et se développent dans une inconscience absolue, l'homme n'ayant plus aucune relation mentale, insaisissable pour lui, avec le sujet en question. Puis, brusquement, comme si les germes primitifs allaient enfin éclore, la pensée se fixe à nouveau, volontairement ou involontairement, sur l'objet antérieur de ses préoccupations. Elle manifeste une connaissance approfondie qui surprend, trouve avec facilité ce qu'elle recherchait en vain si laborieusement. Elle présente à l'homme étonné un fruit mûr dont il a ignoré la croissance. C'est là une constatation qui est à la portée de bien des gens, que ce soit au bureau, à l'atelier, au magasin, au foyer familial, on peut observer que certaines difficultés que l'on ne sait comment résoudre sont mises de côté. L'esprit ne s'en préoccupe plus. Si des habitudes d'ordre rappellent leurs souvenirs, l'on n'y pense qu'un instant, le temps de songer « je ne sais pas »,« je ne suis pas prêt » ou quelque chose d'équivalent et l'on passe à une autre occupation. Mais un jour, que ce soit sous l'effet des dites habitudes d'ordre ou d'une inconscience inexplicable, l'esprit se fixe avec avidité sur cette question en suspens. Elle lui apparaît sous un jour nouveau. Les difficultés s'évanouissent, la solution élégante et logique arrive lumineusement avec facilité. La cristallisation est achevée et l'heureux privilégié, étonné, se murmure. Je n'y ai pourtant pas pensé. Nul Négos connaissait bien ces curieuses manifestations. Son génie y découvrait un champ extrêmement important pour la science future. Il se peut, se disait-il, que l'espèce de mouvement tourbillonnaire auquel j'attribue les phénomènes physiologiques accompagnant la pensée, au lieu de s'éteindre avec celle-ci, se continue imperceptiblement. Il se peut que les vibrations s'entretiennent d'elles-mêmes et communiquent au milieu organique et sans doute au milieu impondérable qu'elles intéressent, une élasticité redoublée leur permettant, sous le coup d'une excitation particulière, de reprendre avec une ampleur et une intensité qu'elles ne possédaient pas encore. Et ainsi, sous l'influence de cette excitation, les facultés mentales de l'être soumis à ces phénomènes se révèlent plus fortes, plus lucides et se traduisent extérieurement par ce qu'on est convenu d'appeler l'intelligence. Le savant ne considérait tout cela que comme une prévision. Il se rendait bien compte que ses travaux ouvriraient la voie à ses successeurs, mais que leur aboutissement, scientifiquement précis, indiscutablement établi, était nécessaire pour aborder utilement l'audacieux problème que son génie entrevoyait en avance de combien de siècles sur son époque. Il n'avait pas, en effet, d'illusion. Sa vie s'achèverait certainement avant qu'il puisse prétendre à poser ce problème dans toute sa magnifique ampleur. Mais il avait bientôt abandonné cette courte digression. Elle lui confirmait qu'il devait, pendant un certain temps, laisser son cerveau travailler seul les questions qu'il croyait être à même de résoudre. Il classa donc ses dossiers et, comme le repos lui était inconnu, il décida qu'il emploierait l'entracte, volontairement imposé, à élucider quelques phénomènes secondaires qui lui paraissaient dignes d'intérêt. Cette tâche, qu'il qualifiait de secondaire, était d'établir la relation entre les lésions cérébrales que son appareil lui permettait de découvrir et les troubles mentaux correspondants. Il espérait pouvoir arriver, par des surexcitations appropriées, à rendre une certaine activité aux cellules atteintes et à remettre d'aplomb un cerveau déséquilibré. De là, naturellement, il déduisait qu'il serait facile de modifier avantageusement toutes les défectuosités de l'amas de matière à laquelle l'homme devait sa supériorité dans le règne animal. Il deviendrait possible, si cela pouvait intéresser les futures générations, de choisir quelque être particulièrement doué et d'exagérer certaines de leurs facultés pour en faire, dans des branches déterminées, de véritables surhommes. Et, comme dans sa science réaliste, tout se bornait pour lui à de l'activité cellulaire, il admettait la possibilité, grâce à la tension anormale provoquée par des agents extérieurs, de créer ce que le vulgaire nomme des génies. Pour trouver à ses spéculations une base rationnelle, il fallait procéder à des essais. Il considéra comme dangereux de vouloir d'abord essayer une amélioration sur une organisation normale, car une erreur d'expérience ou de traitement aurait pu provoquer le contraire. Il décida donc de commencer par l'examen et le traitement d'un dégénéré, certain d'avance que si une erreur se produisait, elle n'aurait pas de suite fâcheuse pour le patient. Pour trouver un sujet, il s'adressa à un asile d'aliénés voisins. Comme il n'avait pas de référence et ne pouvait même pas s'annoncer comme docteur, il fut assez mal accueilli par le directeur. Malgré tout l'étalage de sa science, tout au moins de la science à la portée de ce dernier, il obtint seulement, en offrant de payer une sorte de tribut à l'asile, d'être reçu à nouveau, et cette fois, en présence du médecin en chef. Celui-là, homme froid, persuadé, d'après le récit du directeur, que l'inconnu présentait plus de symptômes de maladie qu'il n'avait d'aptitude à les guérir, reçut Nunnegos avec gravité, lui laissant à dessein la parole afin de l'observer plus attentivement. Le vieux savant, instruit par son premier contact avec la maison, comprenant que du médecin dépendait seul l'examen de sa proposition, opéra en conséquence. En se présentant, pour atténuer la mauvaise impression de son manque de diplôme, il mit rapidement la conversation sur une question médicale aliéniste, au sujet de laquelle une vive controverse se poursuivait depuis quelque temps dans une revue technique. Il exposa en quelques mots les thèses en présence, les commenta, montra ce qu'elles avaient de bon et de mauvais. En guise de conclusion, il émit des idées personnelles si originales, mais si fondées, que le médecin en chef reconnut vite que c'était à un maître qu'il avait affaire. Il présenta des objections, mais elles furent si rapidement et si magnifiquement réfutées qu'il comprit qu'il n'avait qu'à s'incliner devant la supériorité de cet inconnu. Le terrain ainsi préparé, Nunnegos expliqua qu'il était sur la voie d'un traitement permettant l'amélioration des conditions de vitalité du cerveau. Il demanda si l'on voulait bien lui laisser examiner un sujet réputé incurable. Le médecin et le directeur conversèrent à voix basse. Le premier résuma, pour Nunnegos, le résultat de leur colloque. « Nous avons ici un jeune homme de 15 ans, nommé Antoine, qui nous a été confié il y a quelques années par l'assistance publique. Elle le considérait comme un idiot accompli. Elle avait raison. Nous avons essayé en vain toutes les méthodes, tous les traitements. L'adolescent n'a presque plus rien d'humain. Pas une ombre de pensée dans son cerveau. Il n'obéit qu'aux instincts de la bête. Et encore, ne l'avons-nous jamais entendu se plaindre lorsqu'intentionnellement, nous l'avons laissé pendant 48 heures sans nourriture. Son développement physique est normal. Son crâne ne présente aucune particularité notable. Il ne parle pas et se contente de pousser parfois, sans raison apparente d'ailleurs, quelques grognements. Rien n'intéresse Antoine et il est inoffensif. Il faut le déshabiller et l'habiller. Il ne connaît même pas la cloche annonçant les repas. Il reste là où on le met, où il erre, lamentablement, d'un équilibre inassuré. C'est absolument inexplicable. il est impossible de provoquer chez lui la moindre lueur d'intelligence. Il paraît, mentalement, au-dessous des animaux. Que dites-vous de cela ? Je dis, répondit Nunlegos, que c'est un sujet qui paraît avoir été créé exprès pour moi. Il n'a que 15 ans. Si son cerveau n'est pas ossifié, ce qui est certain, puisqu'il a en somme la notion de certains mouvements, je pourrais peut-être provoquer son réveil, car sa croissance physiologique n'est pas encore achevée. Il fut convenu que dès le lendemain, le savant pourrait examiner ce cas déconcertant. À l'heure dite, Nunlegos arrivait avec ses inséparables valises que le lecteur connaît bien. Muet, sans répondre aux interrogations des praticiens, le vieillard examina l'intérieur du cerveau du pauvre être et prit quelques courtes notes au moyen de son écriture indéchiffrable pour tout autre que lui. « J'ai besoin de réfléchir, » déclara-t-il en emballant ses appareils. « Je vous préviendrai de mon retour. » La constatation qu'il venait de faire était très simple. À l'intérieur de la boîte crânienne, d'un côté se trouvait une poche relativement énorme, remplie de sérosités qui, comprimant lobes et circonvolutions du cerveau, paraissait écraser les cellules, empêcher leurs vibrations et qui arrêtait certainement leur développement. Il lui avait été absolument impossible d'observer dans la masse cérébrale, qui avait pourtant, au travers de son appareil, à peu près le même aspect qu'une masse normale, le moindre phénomène physiologique révélateur de la pensée. La compression avait-elle eu pour résultat de momifier cette masse cérébrale, de l'ankyloser au point de lui faire perdre toute élasticité? Dans ce cas, toute tentative serait vaine. Nunlegos était persuadé qu'on provoquerait seulement une inutile souffrance chez le pauvre idiot. Le savant décida donc de procéder à un nouvel examen en mettant à profit une des observations secondaires enregistrées au cours de ses récentes recherches. Muni d'appareils différents des premiers, il se rendit à l'asile. Par son procédé habituel, il éclaira toute la tête qu'il voulait rendre à la vie, puis lança une émission d'ondes spéciales se développant dans une tranche plane d'une épaisseur extrêmement réduite, donnant aux parties touchées une sorte de fluorescence spéciale. Au moyen d'un stylet, émetteur d'ondes différentes encore et se propageant en un faisceau cylindrique, il lança ces ondes qui, au contact des premières, formèrent une sorte de combinaison jusqu'à ce jour inconnue, se traduisant pour l'observateur par une luminescence exagérée. Nunlegos avait remarqué que les cellules soumises à ce traitement paraissaient supersensibles. Les mouvements s'y décelaient avec beaucoup plus d'intensité. Était-ce par un phénomène d'ordre optique qui permettait de voir mieux? N'était-ce pas plutôt, et le savant opinait pour cette dernière hypothèse, parce que les radiations composées agissaient effectivement sur les cellules, provoquant elles-mêmes les vibrations perceptibles? Toujours est-il qu'en promenant son stylet, Nunlegos put observer que les cellules atteintes dans le cerveau d'Antoine manifestaient une certaine activité, alors que les autres restaient immuablement passives. Au médecin-chef, le savant expliqua la présence de la poche, cause de tout le mal, indiqua sur le crâne son siège, ses dimensions exactes et son volume. Pour le convaincre de la présence de cette poche, il eut recours à un petit appareil vibratoire qui rendait un son différent s'il agissait à l'endroit de la poche ou à côté. Il ajouta qu'en vidant cette poche, il pensait que les cellules pourraient réagir et reprendre leur fonction normale. La compression à laquelle elles étaient soumises les empêchait de les accomplir. Il estimait nécessaire de trépaner le malade. Naturellement, il ne fallait pas vider tout de suite la poche, car la masse cérébrale, rendue libre dans un espace trop grand, ballotterait, heurterait les parois et causerait aux patients des souffrances intolérables, sans oublier les lésions inguérissables, à coup sûr, qui pourraient être le résultat de ces mouvements intempestifs. Il était indispensable de munir le trou qui serait pratiqué dans la boîte crânienne d'une sorte d'ajoutage qui permettrait une série d'extractions rigoureusement réglées à des intervalles que l'examen du malade indiquerait. Nunlegos croyait qu'en raison de la jeunesse du sujet, les cellules pourraient reprendre peu à peu leur vraie dimension et venir remplir les vides successifs produits par les extractions du liquide, cause de tout le mal. Ce programme, accepté, fut exécuté. La trépanation, comme il ne s'agissait que d'un liquide à évacuer, comporta un simple petit trou. Il en sortit immédiatement du liquide, comme si le cerveau réagissait déjà, se soulageait par une dilatation instantanée. « C'est bon signe, » murmura le savant. Le trou fut bouché par un petit ajoutage préparé d'avance, permettant par la suite de tirer au moyen d'une petite seringue la quantité voulue de matière nuisible. Les extractions n'eurent lieu que sur l'ordre de Nulengos, qui, tous les jours, examinait le crâne avec son mystérieux appareil. Conformément à ses prévisions, la matière cérébrale, se gonflant lentement comme une éponge, envahissait peu à peu le vide produit. En même temps, il promenait, de place en place, avec beaucoup de précautions, ces ondes mystérieuses pour favoriser l'éveil des vibrations des cellules atrophiées. Pendant 6 mois, il vint, quotidiennement, s'occuper de ce cas extraordinaire. Les résultats furent surprenants. Le regard d'Antoine perdit peu à peu cette fixité hagarde et devint humain. Comme un enfant qui sourit à la vie, il apprit des mots, eut des étonnements, puis observa. Bref, il donna tous les signes d'une intelligence qui s'ouvrait à la compréhension. La guérison approchait, la poche fatale allait disparaître. Nulengos se réjouissait d'avance de pouvoir, sur ce cerveau ressuscité par lui, mettre en pratique ce qu'il prévoyait comme inéluctable. Il se promettait de développer au fur et à mesure les cellules où s'élaborait telle ou telle pensée, de suivre la concordance entre ce travail interne et les manifestations extérieures du patient, et d'arriver à faire de lui une intelligence au-dessus de la moyenne. Il posséderait alors, scientifiquement démontré, la méthode permettant cette transformation des intelligences, cette fabrication des génies, qu'il croyait réalisable. Mais hélas, il n'eut pas cette satisfaction. Une maladresse d'un infirmier, au moment d'une des dernières ponctions, amena un léger accident. Malgré tous les soins, l'infection s'établit dans la plaie et, en quelques heures, Antoine mourait dans un délire épouvantable. Nulengos regretta cette disparition. Il songeait à s'occuper de la recherche d'un nouveau sujet lorsque son attention fut attirée par une circulaire encartée dans une revue médicale. Le prospectus annonçait la réunion à Chicago d'un congrès monstre de médecins, énumérait les sommités dont le concours était assuré, indiquait les diverses sections et soulignait l'importance exceptionnelle de la section des maladies du cerveau. Un célèbre docteur devait rendre compte de la méthode qui lui avait valu des cures véritablement miraculeuses. Les numéros suivants de cette revue réservèrent une rubrique spéciale à ce congrès. Nulengos apprit ainsi que le célèbre docteur en question n'était pas le seul à se prétendre inventeur d'une nouvelle méthode et que d'autres se faisaient inscrire pour mettre le monde savant au courant de leurs découvertes, de leurs traitements qui, tout à l'honneur de la science moderne, permettaient d'espérer la fin de toutes les tares du cerveau qui, etc., etc. Pour la première fois depuis qu'il avait abandonné les études proprement dites pour commencer ses recherches, Nulengos se demanda si d'autres, travaillant dans une voie parallèle à la sienne, n'étaient pas arrivés à des résultats intéressants. Certainement, dans ce cas, ses résultats n'avaient pas été rendus publics, car ses revues et ses livres les lui auraient fait connaître. Mais si quelques savants, cachés comme lui, profitaient de ce congrès pour les divulguer, cela serait intéressant à savoir. Poussé par cette curiosité, inconsciemment aussi par ses déconvenues récentes, il décida de se faire inscrire au congrès. Il suffisait d'envoyer quelques dollars. Sur sa feuille d'adhésion, à l'endroit mentionnant les mémoires qu'il désirait présenter, il écrivit « néant ». Et lui, le vieux savant rangé, qui depuis 2 lustres n'avait pour ainsi dire pas quitté son petit pavillon de Bondy, empila du linge et un complet de rechange dans 2 sacs, et il partit, sans se rendre un compte exact de la longueur du voyage qu'il entreprenait. Embarqué sur un transatlantique au Havre, il se trouva désœuvré dès que le navire eut quitté l'avant-port. Il avait naturellement laissé tous ses appareils et avait soigneusement bouclé son laboratoire pour que nul n'y pénétrât pendant son absence. Il n'avait emporté aucun livre. Il connaissait d'ailleurs tous ceux qu'il possédait. Peu communicatif, il n'aurait pu admettre de passer son temps en des conversations avec les compagnons de voyage que le hasard lui donnait, même avec les savants, officiels ou autres, qui se rendaient à ce congrès. Il aurait pu cependant diriger ses conversations vers les grands problèmes scientifiques, mais il était rebelle aux parlottes dans lesquelles il ne pensait trouver aucune utilité pour lui et, fidèle à son principe, il ne voulait pas se faire connaître. Pour s'occuper, il résolut de méditer sur les conséquences probables, sur les troubles considérables résultant de la divulgation dans le monde de sa méthode de lecture des pensées lorsqu'il l'aurait amené au point de perfectionnement voulu. Et l'on vit, pendant la traversée, l'étrange petit vieillard, toujours seul, plongé dans de graves réflexions, tantôt parcourant de son pas menu le dock de la promenade, tantôt assis sur un pliant. De temps à autre, il tirait un carnet de sa poche et d'une main nerveuse, il inscrivait rapidement quelques notes. Des curieux, qui suivirent son manège, il y a si peu de distraction à bord, affirmèrent qu'il notait des signes cabalistiques absolument incompréhensibles. C'est donc, après avoir borné ses relations sociales à un échange de saluts avec ses voisins de table, que le savant arriva à New York. L'entrée majestueuse de la baie de l'Hudson, le bizarre décor des bâtiments, les gratte-ciel de la cité, le laissèrent indifférent. Combien tout cela lui semblait vain auprès des problèmes qui, depuis si longtemps, hantaient son cerveau. Il aurait pu s'arrêter une journée dans la métropole des affaires du Nouveau Monde, mais il préféra, utilisant son billet direct, rejoindre tout de suite Chicago. Il descendit dans un hôtel choisi au hasard sur la liste de ceux que recommandaient aux congressistes les organisateurs de la réunion. Il assista à la grande séance d'ouverture, perdu dans la cohue immense, trouvant insipide les congratulations qui s'échangeaient d'une tribune à l'autre. Il faillit s'endormir, malgré les manifestations bruyantes d'enthousiasme des délégués des diverses nations lorsqu'un compliment était adressé à leur pays ou à l'un de leurs compatriotes. « Que suis-je venu faire dans cette galère ?» se demandait-il avec anxiété, et il fut sur le point de repartir immédiatement pour Bondy. Il ne se calma que lorsqu'il eut en main le programme des travaux. Il constata avec plaisir que la quantité des communications qui devaient être faites exigerait simultanément de multiples séances. Les congressistes, ainsi répartis, se montreraient peut-être plus calmes. Inscrit exclusivement à la section qui s'occupait des maladies du cerveau, il s'astreignit à assister à toutes les séances. Une cinquantaine seulement de savants et de docteurs assistaient régulièrement à ces réunions. En dehors de lui, tous présentaient un ou plusieurs mémoires. C'est dire qu'il lui fallut subir un nombre respectable de discours techniques. Lorsqu'un sujet était épuisé, une discussion s'engageait. En général, elle déviait et n'offrait pas de conclusion. Immanquablement, à la fin de chaque communication, Nulnegos murmurait « Ils ne savent rien ». Cette phrase, si bas qu'elle fut prononcée, fut entendue par une voisine curieuse, une femme, la seule d'ailleurs, admise à ces petites séances. Cette femme, Madame Blumenthal, doctoresse férue de sa haute culture, se croyait appelée aux plus hautes destinées scientifiques. Elle aurait voulu jouer un rôle important dans le groupe des spécialistes des maladies du cerveau pendant ce fameux congrès. Mais si elle eut un certain succès, ce ne fut nullement dans le sens qu'elle espérait. Les savants lui savaient gré d'apporter un peu de charme féminin au milieu d'eux. Mais, sans oser le lui dire d'ailleurs, il ne prenait pas au sérieux ses élucubrations pédantes sur la composition du cerveau, sur les moyens de le régénérer quand il était affaibli. Les hommages s'adressant à la femme flattaient son orgueil féminin, mais exaspéraient au contraire sa colère de bas bleu. Ses compliments contrastaient trop avec le dédain à peine dissimulé qui était réservé à ses communications scientifiques. l'esprit déformé par une instruction superficielle de demi-savante, dotée d'une ambition démesurée, en rapport avec la haute opinion qu'elle avait d'elle-même, la congressiste prit bientôt en grippe tous ses spécialistes des maladies du cerveau. Tous, non, car un homme, un seul, s'était abstenu de fadaise quelconque à son égard. C'était naturellement Nunlegos, qui n'avait pas pour habitude de s'intéresser aux personnes, pas plus aux femmes qu'aux hommes. Obsédé par tous, son orgueil de doctoresse froissé par ses collègues, cette femme s'intéressa au seul assistant qui, ne faisant pas plus attention à elle qu'aux autres, la mettait probablement au même niveau. Elle scruta le visage du vieillard, n'y déchiffra rien. Elle fut seulement frappée par l'attention soutenue qu'il apportait à l'audition de tous les rapports et par sa conclusion finale, invariable, ils ne savent rien. Curieuse par nature, elle vit là une énigme et résolut de la déchiffrer. Il lui fallut une ténacité remarquable, de l'audace, la force de subir, sans broncher, des silences parfois méprisants, la volonté de harceler Nunlegos pour arriver à obtenir de lui quelques brèves paroles lorsqu'elle lui imposait sa présence pour aller jusqu'au palais des séances ou en revenir. À diverses reprises, elle prit prétexte de sa conclusion invariable. Ils ne savent rien, pour essayer de l'entraîner à une discussion. Il suffisait, pour cela, de reprendre les arguments principaux de l'orateur et de provoquer les objections. En général, Nunlegos répondait par un simple haussement d'épaule, signifiant nettement combien cette argumentation lui paraissait inférieure. Il arriva qu'un jour, la doctoresse, perdant son calme, s'exclama à cette marque de désapprobation. « Enfin, vous répétez toujours, ils ne savent rien, mais savez-vous quelque chose, vous ?» Le savant s'arrêta, leva la tête pour voir son interlocutrice et, tranquillement, lui dit « Peut-être. » Et ce fut tout. Madame Blumsthal sentit sa curiosité s'aviver. Elle devina que le vieillard devait être sur la voie de recherches originales et qu'il serait juste que son pays en fût, par sa personne, mis au courant. Malgré tout, la fin du congrès arriva et le bas bleu en était encore réduit à ses hypothèses. Elle n'hésita pas et prit passage sur le paquebot qui ramenait Nunlegos sur le vieux continent. Pendant ces quelques jours ultimes, elle changea de tactique. Elle se fit l'élève du grand maître. Au lieu d'exposer ses idées au savant, elle ne lui demandait plus maintenant que des conseils, lui soumettant ses doutes, le questionnait avec déférence. Puis, paraissant au courant des recherches du vieillard, elle lui disait et redisait combien elle serait heureuse de les voir aboutir, insinuant, avec la délicatesse relative dont elle était capable, combien elle serait honorée si le savant daignait, non la mettre au courant, mais lui indiquer seulement l'objet de ses recherches. En cessant de parler de pair à pair avec ce Nunlegos inconnu, en l'élevant au rang de maître, elle était persuadée que cet apparent hommage à un étranger devait le flatter immensément et l'amener à se départir de sa froideur et de son insouciance vis-à-vis de celle qui se disait déjà son plus fervent disciple. Elle crut réussir. Nunlegos, si détaché qu'il fût des petites bassesses de la vie, exténué par les adulations comme il l'avait été par les questions, se demanda « Mais enfin, que peut-elle avoir dans la tête? Après tout, je n'aurai qu'à lire dedans. » Et, à la grande joie de la docte Blumsthal, il lui déclara que si elle voulait venir visiter son laboratoire, il était à sa disposition. Il n'y avait pas 48 heures que le savant avait réintégré son pavillon de Bondy que son invité se présentait. Nunlegos la fit passer dans son laboratoire. Elle s'arrêta étonnée, sur le seuil, tant elle voyait de choses et d'appareils nouveaux pour elle. Le savant lui donna quelques explications, incomplètes d'ailleurs, sur leur usage. Devant la bibliothèque, elle demanda quel ouvrage cachait cette série de gros bouquins d'un format exceptionnel et ne portant que des numéros d'ordre. « Mes travaux, » répondit le savant. Il la laissa ensuite intentionnellement en arrêt devant la caisse mystérieuse en laquelle s'était résumée toute sa science. Quel est cet appareil? Oh, cela, je dois d'abord le mettre sur votre tête, et je verrai après si je peux satisfaire votre curiosité. Docilement, elle se laissa coiffer de l'étrange instrument. Nulnegos, qui avait tout préparé, s'était mis rapidement à son poste d'observation. Il notait avec vivacité. Au bout de quelques instants, il la délivra en déclarant « Je ne vois rien. Que voulez-vous dire ? Que cet appareil me permet de saisir parfois des pensées mystérieuses qui traversent le cerveau, mais la réussite dépend d'une telle quantité de facteurs que ma découverte n'est pas encore au point, et que pour vous, par exemple, il ne m'indique rien. Je regrette de ne pouvoir vous donner une consultation. » La doctoresse lança un regard d'envie vers la caisse et vers l'appareil accessoire auquel elle était reliée. Puis, sans mot dire, elle continua la visite du laboratoire. Celle-ci terminée, elle embrassa la pièce d'un coup d'œil, comme si elle voulait la graver dans son esprit. Elle remercia le vieillard, lui dit combien elle était heureuse d'avoir pu connaître un merveilleux laboratoire privé comme elle n'en soupçonnait même pas l'existence. En sortant, elle se trompa de chemin, ouvrit la porte donnant sur la salle à manger, puis dans le vestibule de l'escalier, puis dans la cuisine. Elle s'excusait chaque fois quand Nulnegos, avec un air calme habituel, lui annonçait ce qu'il y avait derrière les portes qu'elle poussait. Enfin remise sur le chemin de la sortie, elle partit, reconduite jusqu'à la grille par le savant. Rentré, il s'assit dans un fauteuil et se mit à monologuer. Ainsi, non seulement j'ai perdu mon temps dans ce voyage à Chicago, où je n'ai entendu que des redites d'anciennes hypothèses plus ou moins exactes, plus ou moins habilement travesties, mais encore, me voilà maintenant menacé d'un cambriolage. J'ai parfaitement saisi toute sa pensée. Ce laboratoire cache un mystère, une grande découverte probablement. Il me faut la connaître à n'importe quel prix. La gloire est peut-être là, cette gloire à laquelle j'aspire et qui fuit toujours malgré le génie qui me travaille. Pour que tous ces appareils mystérieux, pour que tous ces gros bouquins qui, je le pressens, doivent contenir des idées, des résultats gigantesques même, soient à moi, il n'y a qu'un obstacle. Ce vieux savant et sa vieille servante dans un pavillon isolé. Il est facile de s'en débarrasser. Il ne faut qu'un peu d'argent et qu'un peu d'adresse. Elle a décidé de bien observer tous les lieux pour donner des indications précises à ceux qu'elle chargera de réaliser ses dessins. Il faut donc s'attendre à tout. Que disparaisse ma domestique, elle est si vieille, la pauvre. Que je disparaisse moi aussi, cela ne serait sans doute que bien secondaire, quoiqu'il me semble que je pourrais encore faire œuvre utile. Mais que mes travaux, que mes appareils, que le résultat du labeur de ma vie entière passent au moyen d'un crime entre des mains étrangères, cela non. Je suis prévenue. Malheur à ceux qui seront les agents d'exécution de cette abominable pensée. Pendant quelques jours, il fixa de petits appareils bizarres à la porte du jardin et aux diverses portes et fenêtres du rez-de-chaussée du pavillon, sur le faîte des murs de clôture et sur la grille. Il dissimula d'autres petits appareils, reliés par des fils, même jusque sous le tapis du vestibule d'entrée. Enfin, il disposa dans un coin de son laboratoire une sorte de petit tableau porteur de manettes, de fiches, de cadrans, de sonneries. Puis, il recommanda à sa bonne de ne pas oublier l'ancienne consigne, à savoir qu'il ne recevait absolument personne. Ses préparatifs terminés, il n'y pensa plus et ses facultés se tendirent de nouveau vers les hauts problèmes qui le préoccupaient. Au bout de quelque temps, un visiteur inconnu, bien mis, se présenta au pavillon. Il demanda à M. Nulnegos. À la réponse « Monsieur ne reçoit pas », il répliqua en montrant une lettre qu'il avait une introduction. La domestique prit la lettre, disant qu'elle la remettrait, mais qu'il était inutile d'insister, les ordres étant formels. L'inconnu s'éloigna, l'air dépité. Nulnegos avait, grâce à ses appareils, vu l'individu, écouté sa conversation et noté le soin avec lequel le prétendu visiteur examinait le vestibule d'entrée, le jardin, etc., comme quelqu'un qui veut se rendre compte des lieux. La lettre d'introduction émanait de Madame Blumenthal. Elle se permettait de présenter à M. Nulnegos le jeune docteur Kronslaff, déjà très savant, qui avait été enthousiasmé du récit qu'elle lui avait fait de son remarquable laboratoire. Elle espérait qu'il voudrait bien lui permettre cette même visite dont elle avait emporté un si bon souvenir. « Tiens, se dit le savant, elle me prévient. Elle est encore plus sotte que je ne pensais. Ce sera pour cette nuit. Je veillerai. » Il vérifia l'ingénieux système de protection dont il s'était entouré. La nuit venue, la servante montée au premier, il tira d'épais rideaux, empêchant toute infiltration de lumière par les fenêtres et la porte de son laboratoire, mit, à tout hasard, car il ne pensait pas avoir à s'en servir, un revolver à sa portée, et, tranquillement, s'assit devant le petit tableau indicateur avec quelques revues sur les genoux. Vers 1 heure du matin, il se pencha vivement sur le petit tableau. « Oh oh, on est en train de forcer la porte du jardin. »« La porte est ouverte. » »« On commence à forcer la porte du pavillon. »« Mais avec quel art ? Je n'entends absolument rien. »« Ah ah, la porte est ouverte. » « Voyons, combien sont-ils ?» Et il regarda l'un des petits cadrans. « Un seul. Bien, mais il y en a un autre, appuyé contre la porte du jardin. Oui, il fait le guet. Liquidons d'abord celui-ci. » Et il appuya sur une manette. « Maintenant, à l'autre, à celui qui est déjà dans la place. Il ne se trompe pas, il est venu tout droit à la porte du laboratoire. » Il n'aura pas de mal, elle n'est pas fermée à clé. Il s'en aperçoit, il ouvre, il ne voit pas encore la lumière à cause de la tenture. C'est le moment. Et le savant appuya sur une autre manette. Il entendit comme une sorte d'exclamation de saisissement, un frémissement. La porte ne continua pas à s'ouvrir. Nulnegos se leva alors, écarta la tenture, ouvrit la porte et se trouva en face d'un individu masqué de noir, tenant une lanterne sourde d'une main, un attirail de cambrioleur de l'autre. L'homme paraissait figé sur place, comme une statue. Le vieillard se faufila à côté de l'homme, ferma la porte donnant sur le jardin, poussa un verrou, vérifia le contact de son appareil avertisseur, puis rentra dans son laboratoire. Il contempla le cambrioleur pendant quelques instants et, se munissant de gants spéciaux, il ôta le masque. « Ah, c'est monsieur le docteur Kronslaff que j'ai l'honneur de recevoir. Madame la doctoresse Blumenthal avait bien voulu m'informer de votre visite. » Le docteur était blême. Ses yeux roulaient dans leur orbite. Ses lèvres, agitées d'un léger tremblement, laissait passer de la salive. Il était évident qu'il l'entendait, qu'il comprenait, et qu'une force invincible annihilait ses mouvements malgré la tension de sa volonté. « Vous me permettez ?» continua Nulnegos, « de prendre quelques précautions ?» Il enleva la lanterne sourde et les outils portés par l'homme, et se mit à fouiller ses poches. Il en retira un flacon avec des tampons. « Du chloroforme, n'est-ce pas ? » interrogea-t-il doucement. Puis un revolver chargé. « Nous étions donc prêts à devenir assassins ?» dit-il d'un air aimable. Un mouchoir sans marque, un portefeuille contenant de l'argent et une feuille de papier formaient le complément de ce que portait le misérable. La feuille de papier comportait un plan du pavillon, la disposition des pièces du rez-de-chaussée et la description succincte des appareils et documents considérés comme objets principaux du vol prémédité. La doctoresse a pris ses précautions, songea le savant. Pour le cas d'un insuccès, il serait difficile d'identifier cet homme s'il s'était laissé pincer. Avant de prendre une décision, vérifions d'abord le degré de culpabilité de l'individu. Il attacha au bras du docteur 2 plaques, puis, prenant son revolver, il le braqua en disant « Je vais vous rendre en partie l'usage de vos jambes. vous irez, oh, doucement, je sais que vous ne pourriez aller vite, vous asseoir dans ce fauteuil. Si vous faites un seul mouvement d'agression ou de retraite, je tire. » Il manœuvra une manette de son petit tableau, ce qui délivra l'homme du courant spécial qui le fixait dans l'embrasure de la porte grâce à des plaques dissimulées sous le tapis et à une plaque qui s'était rabattue sur la casquette. Puis, il manœuvra un autre appareil qui diminue l'intensité de l'autre courant arrivant par les bras et déclara « Vous devez pouvoir marcher. » Le docteur se redressa un peu avec effort. Sous la menace du revolver, il se traîna péniblement jusqu'au fauteuil désigné et s'y laissa tomber, épuisé. Le savant fit une autre manœuvre. « Comme cela, déclara-t-il, vous voilà de nouveau paralysé. N'est-ce pas curieux, cette invention qui vous ôte la faculté d'action des muscles ? Et vous ne souffrez nullement. Votre corps est comme anesthésié. Votre tête, elle, est restée solide. » Vous pouvez observer et méditer, mais la communication nerveuse est coupée et c'est absolument inutile de penser que votre volonté pourra lutter contre la force mystérieuse qui vous a happé au passage. » Tout en parlant, Nun Legos disposait sa caisse sur la tête de son prisonnier. « Voyons, il faut d'abord m'assurer que c'est bien un docteur, un homme instruit en tout cas. » Au bout d'un instant, il n'eut aucun doute. L'homme, ayant abandonné l'espoir de se dégager de l'étreinte inconnue, s'obligeait à observer. Les réflexions passant dans son cerveau, à la vue des divers appareils qu'il pouvait contempler, décelaient un homme ayant des connaissances scientifiques. Puis, sa pensée évolua bien vite. Il ne s'expliquait pas pourquoi ses deux compagnons ne se préoccupaient pas de lui. Il était pourtant bien convenu qu'aussitôt dans le laboratoire, il devait faire un signal avec sa lanterne pour que l'un d'eux le rejoignît. Certainement inquiet de ne pas voir le signal, il viendrait et le délivrerait. Nun Legos savait maintenant tout ce qui lui importait. « Maintenant, le châtiment, » se dit-il, et il rapprocha certains appareils. Pendant quelques minutes, il opéra, les yeux sous la visière du poste d'observation, la main gauche maniant des boutons à molette. La main droite, tenant un stylet, animée comme si elle cherchait à tracer des signes mystérieux. C'est fini. Les cellules, sièges de la mémoire, sont atrophiées. Le criminel, docteur il y a un instant, est désormais ignorant comme l'enfant qui vient de naître. Il pourra encore penser, apprendre, mais ne pourra rien retenir. Que seront ses pensées, ses connaissances nouvelles, maintenant qu'il a perdu la faculté de les fixer? C'est un détraqué, c'est un inoffensif. Nun Legos alors se préoccupa des deux complices. Muni d'appareils et d'un rouleau de fil se déroulant à mesure qu'il se déplaçait, d'une lanterne électrique et de son revolver, il s'enfuit vers la porte du jardin. Les deux acolytes étaient pris au piège. L'homme faisant le guet, appuyé à cette porte, avait été saisi par le courant mystérieux envoyé du laboratoire. Intrigué de cette immobilité, le troisième, chauffeur d'une grande limousine, phare et lanterne éteints, arrêté devant la grille, s'était approché, avait essayé de le remuer et avait été à son tour happé par la force invisible. Le vieillard, satisfait de voir sa besogne simplifiée, s'assura que l'automobile ne recelait pas par hasard d'autres complices. Par un procédé identique à celui qui lui avait permis de faire entrer le docteur, il conduisit séparément les deux hommes jusqu'au laboratoire, les fit asseoir sur des sièges où il les immobilisa. Il les fouilla. Aucun ne possédait de pièces d'identité. Un mouchoir, un revolver, quelque argent constituaient tout leur bagage, qui, pour celui qui n'était pas chauffeur, s'augmentait d'une fiole d'anesthésique et de quelques tampons. Nun Legos procéda à son instruction. Elle consista simplement à lire ce qui se passait dans le cerveau des misérables. En l'un d'eux, il déchiffra qu'il se trouvait en présence d'un aide de Dr. Kranzlaft, aide qui se demandait avec anxiété quelle serait la fin de l'expédition scientifique à laquelle il avait eu l'honneur d'être mêlé, expédition dont les résultats devaient être d'une importance telle que le docteur et lui avaient fait serment d'aller jusqu'au crime pour se les assurer. L'autre comparse était de moindre envergure. Ce n'était qu'un professionnel entraîné au coup de main, au vol, aux agressions. Sa maîtrise au volant le rendait précieux, car il était capable de traverser à toute allure n'importe quelle agglomération et avait réussi plus d'une fois à sauver ainsi des compagnons des griffes de la police. Sur l'affaire qui lui valait cette étrange aventure, il savait seulement qu'il collaborait à une opération audacieuse, qu'il se pourrait que des coups de revolver fussent échangés et que cette opération devait être très importante et très fructueuse puisqu'on lui avait fait quitter son pays et qu'une grosse somme lui serait allouée à forfait pour sa coopération. Ainsi renseigné, Nulnegos n'hésita pas. La même peine fut la sanction décidée. L'exécution, rapide pour l'aide du docteur, exigea plus de temps pour le chauffeur, car le savant réfléchit qu'il fallait laisser à celui-ci la possibilité de conduire sa voiture, sans quoi les trois individus et le véhicule seraient susceptibles de l'embarrasser et de lui créer des histoires dont il ne se souciait guère. Les opérations réussies comme il l'entendait, il reconduisit un à un les trois bandits jusqu'à la limousine. Ils se laissèrent guider sans difficulté, étant dans un état complet de prostration. Le savant ordonna au chauffeur de mettre le moteur en marche et de partir. La voiture se perdit presque sans bruit dans la nuit. Satisfait de son œuvre de justice, Nulnegos se retira dans sa chambre pour y prendre quelque repos. Le surlendemain, dans l'après-midi, il entendit le coup de sonnette d'un visiteur. De son poste d'observation, il aperçut Madame Blumenthal. Il eut un petit rire silencieux et sardonique. Il prépara rapidement son fauteuil d'opération et, comme attiré par la discussion qui se déroulait dans le vestibule entre la doctoresse et la servante, celle-ci exécutant sa consigne, celle-là insistant pour que le maître fût prévenu, il ouvrit la porte du laboratoire. « Comment ? C'est vous, madame ? Mais entrez donc, la consigne n'est pas pour vous. » « Vous voyez bien !» lança triomphalement la visiteuse à la domestique stupéfaite et, la tête haute, elle entra dans le laboratoire. Madame Blumenthal s'assit dans le fauteuil que lui indiquait le savant et celui-ci, négligemment, tourna une manette placée sur une table éloignée. L'Allemande inspectait rapidement le laboratoire. Il était intact. Aucune lutte ne semblait s'y être déroulée. Pourtant, Kranzlaft et ses collaborateurs lui avaient fait le serment solennel d'accomplir leur mission. Elle était sûre qu'ils étaient venus. Que s'était-il donc passé pour qu'elle ne fût pas prévenue? La bande n'avait pas été cueillie par la police. La presse y aurait fait au moins une légère allusion, malgré la réserve et la discrétion imposées par la justice. Alors quoi? Et cette préoccupation était telle que la docte personne gardait le silence. « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, madame ?» Cette question du savant la ramena à la réalité. « Voilà un hasard, une affaire urgente, relative à des appareils de précision, m'a obligé à me rendre précipitamment à Paris. Je ne pouvais pas quitter votre belle capitale sans venir, mon cher maître, vous présenter mes devoirs. » Nulnegos s'inclina sans mot dire. « Je voulais aussi vous demander si un de mes amis était venu vous voir. Je m'étais permis de lui donner un mot de recommandation pour vous. Monsieur le docteur Kranzlaft, sans doute, madame. C'est bien de lui qu'il s'agit. Et alors ? Alors, madame, le docteur est bienvenu. » Quoique l'heure à laquelle il s'est présenté fut bien étrange. Je l'ai reçu, madame, conformément à votre prière. Tenez, il s'est même assis dans le fauteuil que vous occupez en ce moment. Comme il était accompagné d'un aide et d'un chauffeur, je n'ai pas voulu que ces deux braves restassent dehors, car il faisait nuit, madame, et j'ai été les chercher. Ils sont également entrés dans ce laboratoire et ont pris place sur ces deux sièges voisins du vôtre. Sans paraître s'apercevoir de la pâleur qui envahissait la face rougeâtre de la doctoresse, le savant se dirigea vers une petite table, ouvrit un tiroir et, en sortant quelques objets, continua. « Ces messieurs m'ont même laissé des souvenirs. Voyez, 3 revolvers, 2 flacons. » À ce moment, la Blumenthal fit le geste brusque de se lever. Mais, comme retenue par une puissance mystérieuse, elle retomba sur le siège. Elle tenta vainement de renouveler son geste. « Qu'est-ce donc ? » murmura-t-elle, blême. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous prévenir. C'est une de mes petites inventions. Oui, vous ne pouvez pas quitter ce fauteuil sans ma volonté. Restez donc tranquille, vous y êtes très bien. Vous avez la liberté de vos mouvements. Ne me faites pas regretter les égards que je prends vis-à-vis de vous. » La femme sembla se ressaisir. Brusquement, elle ouvrit son sac, y plongea sa main droite et en sortit un revolver. Nulnegos avait heureusement vu le geste et compris. Il appuya sur une autre manette. La doctoresse se figea dans une immobilité de statue, ses yeux exorbités témoignant seuls de sa frayeur. « Je n'avais pas pensé que vous étiez aussi armé, » dit le maître. Il enfila ses gants spéciaux, enleva le sac, puis, promenant une petite spatule à laquelle il tenait un fil sur la main droite de la femme, il provoqua un relâchement de l'étreinte. Le revolver abandonné tomba sur les genoux. « Cela fait 4, » dit-il, et l'arme alla rejoindre les autres. Puis, tranquillement, il fit l'inventaire du sac. Un carnet lui donna l'adresse de la doctoresse. Il la nota et remit le carnet dans le sac, ainsi que les divers objets de femme qu'il en avait tirés. « Cet autre carnet, lui dit-il, je le garde. Il contient de curieuses indications sur moi et sur mon laboratoire. Il fera très bien avec le plan qu'a bien voulu me laisser le docteur Kranzlaff. Je vous rends tout, à l'exception de ce carnet et de cette arme. J'ajoute même au sac les portefeuilles et les porte-monnaies avec leur contenu que vos associés ont oublié ici. » La Blumenthal reçut le sac sans rien dire. Nulnegos approcha une chaise à quelques pas en avant du fauteuil, s'assit et, comme un juge, déclara. « Madame, vous avez froidement prémédité un crime. La pensée vous en est venue ici même, lors de votre visite, que j'ai été si naïf d'accepter. Ne faites pas de gestes de dénégation. C'est inutile. » La boîte que j'ai placée sur votre tête me permet, comprenez bien, de lire dans le cerveau toutes les pensées qui le traversent. Et j'y ai lu, je vous le répète, votre volonté arrêtée de voler mes appareils, mes manuscrits. Dussiez-vous, pour cela, passer sur mon cadavre et sur celui de ma vieille servante. J'ai donc pris mes précautions. Vos complices sont venus l'avant-dernière nuit. Je les ai retenus ici, immobilisés comme vous l'avez été tout à l'heure. Je les ai jugés et j'ai exécuté moi-même la sentence. Ce ne sont plus maintenant des hommes, mais des épaves vivantes qui promènent des cerveaux dont la mémoire est pour jamais abolie. Voilà pourquoi ils ont oublié le rendez-vous fixé. Voilà pourquoi vous êtes venus aux nouvelles jusqu'ici. Ils ont été le bras, mais vous, vous avez été la tête, l'instigatrice de cet épouvantable projet. Vous devez aussi être punis, et plus qu'eux. Eux ne souffrent pas, leurs têtes sont vides. Mais vous, vous souffrirez. Je vais modifier votre cerveau. J'annihilerai de place en place les facultés de ces cellules. Vous aurez encore des idées, mais il vous sera impossible de les relier entre elles. Vous vous en rendrez compte, vous tendrez votre volonté, mais les liaisons vous échapperont. Votre cerveau refusera tout travail logique. Déséquilibré en partie seulement, vous donnerez à tous l'impression que vous êtes folle. Si le Dieu que vous avez invoqué pour la réussite de votre opération a quelque pitié de vous, il vous enverra cette folie complète qui mettra fin à vos souffrances. » En achevant ces mots, Nulnegos immobilisa la doctoresse qui se demandait si elle rêvait. Puis il la coiffa de la caisse et procéda méthodiquement à l'exécution de l'arrêt qu'il venait de rendre. ce fut long. Il avait terminé, mais il se remit à son infernal travail en disant « Je dois lui enlever tout souvenir de ce qui vient de se passer ici. » Quelques instants après, il reconduisait la Blumenthal jusqu'à la porte du jardin. Elle s'en alla d'un pas automatique, ayant dans le regard comme le reflet du traumatisme que son cerveau venait de subir. Les journaux du lendemain publièrent l'entrefilé suivant. Hier, trois individus, assez bien mis, porteurs de casquettes, l'air hagard, ayant attiré l'attention d'agents de la sûreté, ont été interrogés par ceux-ci. Ils ont répondu quelques phrases inintelligibles. Conduits à l'infirmerie spéciale du dépôt, ils ont été examinés. Leurs poches ne contenaient aucun objet. Comme ils donnaient l'impression de gens désemparés et dont la raison est absente, ils ont été hospitalisés. Une enquête est ouverte. Mentionnons que, d'autre part, on a trouvé une riche limousine abandonnée près de l'une des portes de Paris. D'après certains témoignages, le signalement des occupants d'une voiture de ce genre coïncide singulièrement avec celui des trois pauvres êtres précités. Il se peut que la justice soit en présence d'une mystérieuse affaire qui fournira un aliment à la rubrique judiciaire et policière. Nous mobilisons nos agents spéciaux et tiendrons nos lecteurs au courant. Après avoir lu cette note, Nulnegos réfléchit quelques instants. Si je ne dis rien, ces trois chenapans, absolument irresponsables maintenant, échoueront finalement dans un asile d'aliénés de chez nous. Et c'est la France qui paiera leur entretien. Cela ne sera pas. Le savant écrivit une lettre. Il envoya sa servante à Paris pour porter cette missive dans un bureau de poste. Les journaux du lendemain publièrent la communication officielle suivante. La préfecture de police a reçu, hier, un billet anonyme émané de Paris ainsi conçu. Les trois individus recueillis avant-hier et ne paraissant pas jouir de leur faculté mentale sont les compagnons de Madame la doctoresse Blumenthal, qui est descendue à l'hôtel X. L'un de ces individus, celui qui porte la barbe, est le docteur Kranzlaft. L'enquête a prouvé que ces révélations étaient exactes, mais, chose troublante, Madame la doctoresse Blumenthal présente également depuis hier soir des troubles cérébraux caractérisés. L'ambassade d'Allemagne, mise au courant de ces faits, a décidé, pour éviter tout scandale, de rapatrier immédiatement le curieux quatuor qui était arrivé de Berlin il y a quelques jours. Fin du chapitre 5. Lu par Isad, quelque part en France.